Elle guettait la vérité dans mon regard, prête à sourire de nouveau, et le murmura, blagueur. Je levai la main, et d'un ton sincère, je crois même que j'étais sincère. Je vous jure que je ne mens pas. Elle dit simplement, allons donc. Nous étions seuls, tout seuls, Rivet et l'oncle ayant disparu dans les allées tournantes. Et je lui fis une vraie déclaration, longue, douce, en lui pressant et lui baisant les doigts. Elle écoutait cela, comme une chose agréable et nouvelle, sans bien savoir ce qu'elle en devait croire. Je finissais par me sentir troublé, par penser ce que je disais. J'étais pâle, oppressé, frissonnant, et, doucement, je lui pris la taille. Je lui parlais tout bas dans les petits cheveux frisés de l'oreille. Elle semblait morte, tant elle restait rêveuse. Puis, sa main rencontra la mienne et la serra. Je pressai lentement sa taille, d'une étreinte tremblante et toujours grandissante. Elle ne remua plus du tout. J'effleurai sa joue de ma bouche, et tout à coup mes lèvres, sans chercher, trouvèrent les siennes. Ce fut un long, long baiser. Et il aurait encore duré longtemps si je n'avais entendu « Hum hum !» à quelques pas derrière moi. Elle s'enfuit à travers un massif. Je me retournai et j'aperçus Rivet qui me rejoignait. Il se campa au milieu du chemin et sans rire. « Eh bien, c'est comme ça que tu arranges l'affaire de ce cochon de Morin ?» Je répondis avec fatuité. « On fait ce qu'on peut, mon cher. Et l'oncle, qu'en as-tu obtenu ?»« Moi, je réponds de la nièce. » Rivet déclara. « J'ai été moins heureux avec l'oncle. » Et je lui pris le bras pour entrer.